sécurisé PayPal. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro, accompagnée de Gentiane Lafrance. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. La neige commence à tomber, là. On commence à avoir une raison pour laquelle il fait froid. Oui, c'est ça. Puis, en plus, autre raison pour aller bien, on a une super belle émission ce soir avec deux belles entrevues, dont une que tu nous as préparée avec l'artiste Michel Lorrain. Tout à fait. J'ai rencontré Michel Lorrain aujourd'hui en direct de son studio à Sainte-Louise dans la MRC de Lillet. Michel Lorrain fait actuellement une résidence croisée avec la Chambre Blanche et Radar. Radar qui est un organisme en Italie. Et elle a tout remodelé sa résidence pour pouvoir continuer à travailler. En fait, la résidence, elle l'a fait de chez elle, de son atelier. Mais on va l'apprendre tout à l'heure. Elle a une interaction avec des participants, des participantes qui se trouvent en Italie. Donc, un très, très beau projet qui s'appelle « Les couleurs de mon pays ». Oh, c'est très intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. Puis on a une autre entrevue aussi que notre chroniqueur de la semaine nous a préparée. Donc, Mathieu Bouchard s'est gâté avec une longue entrevue avec l'artiste illustrateur Charles-Étienne Brochu. Tout à fait. Donc, une œuvre qui a été installée par Exmuro devant l'Assemblée nationale. Donc, j'ai très hâte d'entendre Charles-Étienne parler de cette œuvre. Oui, exactement. Puis ce soir, ben, c'est encore moi qui s'est gâtée pour faire la sélection musicale. C'est une petite découverte que j'ai faite cette semaine. Donc, c'est l'artiste Super Plage. En fait, ils se décrivent comme ça sur Bandcamp. Je trouve que c'est exactement ça. Superplage fait de l'électropop franco-sexy fuck l'hiver. Ah, ben on a besoin de ça en ce moment. On a besoin de ça, puis c'est exactement le feeling que ces chansons donnent. Donc, ils ont sorti un premier album éponyme en septembre dernier, si je me trompe pas. Non, au mois de mai dernier. Puis, ils ont sorti un deuxième album éponyme 2, donc Superplage et Superplage 2, qui est sorti au mois de novembre la semaine dernière. Donc, ce soir, on va écouter Superplage 1. Donc, on commence tout de suite avec la piste Parc Laurier. Et au retour, on t'écoute Gentilhomme avec l'artiste Michel Lorrain. Thank you. Thank you. Nous sommes de retour à l'aérospatiale et j'entends la France avec vous. Et j'ai au bout de l'écran avec moi Michel Lorrain. Bonjour Michel. Allô, ça va bien? Oui, toi? Merci. Tu fais actuellement une résidence à la Chambre Blanche et à Radar en Italie. Donc, c'est une co-résidence un peu internationale, c'est ça? Oui, c'est comme une résidence croisée. En fait, la Chambre Blanche envoie des artistes en Italie à Radar et inversement, Radar aussi envoie des artistes à la Chambre Blanche. C'est sûr que cette année, c'est un peu particulier. Mais oui, la résidence se fait à la maison, au final, à l'atelier. Eh oui. En fait, je me suis même posé la question, est-ce qu'on peut quand même appeler ça une résidence? C'est sûr que c'est une forme de résidence parce que vraiment... Je me sens recluse parmi les reclus, mais je me sens vraiment à l'intérieur de mon monde très, très proche. Mais en même temps, c'est une forme de résidence, mais je veux quand même que dans cette résidence-là, il y ait un lien avec l'Italie. Là. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un échange. Et cette résidence-là, Michel Lorrain, cette recherche se nomme « Les couleurs d'un pays ». De mon pays, pardon. Les couleurs de mon pays. Ça constitue à une recherche autour d'un nuancier, ou plutôt de deux nuanciers qui deviennent comme deux pistes parallèles, si on veut. Oui, en l'écrivant, je me rends compte que c'est peut-être pas simple à imager. Même si dans ma tête, c'est très simple, je vais essayer de l'expliquer pour que ça soit clair. En fait, en allant là-bas, l'idée que j'avais, c'était de marcher beaucoup. Je suis quelqu'un qui travaille dans l'atelier, mais qui marche aussi beaucoup. Et je voulais faire un peu comme je fais ici, là-bas. Finalement, je l'ai fait ici, mais c'était d'aller autour de l'atelier là-bas, de Radar, de me promener et d'observer tout ce qu'il y a dans le paysage autour de moi. Et quand je parle de paysage, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, autant les objets naturels que les objets de la nature que des objets industriels, tout. Là, c'est tout le matériel, le physique, le géographique. Je voulais m'en inspirer et à partir de ce que j'observais, peut-être aussi recueillir des éléments dans le paysage et dessiner une couleur à partir de cet objet-là. La couleur dominante de cet objet-là, pour moi, faisait référence à une couleur spécifique et j'établissais finalement un nuancier de tous ces objets-là recueillis ou observés dans le paysage. À la fin de l'exercice, je ne sais pas combien j'aurais eu de couleurs, mais ici, autour de chez moi, en marchant, en me promenant, j'ai établi un nuancier de 15 couleurs. Je suis arrivée à un nuancier de 15 couleurs. Donc, un nuancier, c'est une collection de couleurs, si une on veut. Une palette de couleurs, oui. En fait. Oui. Oui. Et là, tu parles d'une couleur dominante selon un objet ou un élément du paysage que tu retrouves. Donc, ce ne sont pas exactement les couleurs observées, si je comprends bien. Bien, c'est les couleurs observées d'un objet que je décide de choisir, de recueillir ou de sélectionner dans pendant une marche, au cours d'une marche ou dans toute l'étendue des couleurs qu'on peut observer dans un paysage. C'est sûr que je ne fais pas toutes les couleurs du nuancier du paysage. Mais ce nuancier-là, pour moi, je l'appelais le nuancier du paysage matériel parce que c'est d'abord l'objet que je trouve et à partir de cet objet-là, quand je parle d'objet, ça peut même aller jusqu'au ciel, à un arbre et tout, là. À partir de cet objet-là, j'ai établi une couleur. Donc, l'objet vient avant la couleur, vient avant le nuancier. Et ce nuancier-là, tu le produis à l'aquarelle. Oui. Tu parles de marcher beaucoup, de partir à l'exploration. Est-ce que tu pars à l'exploration de ces couleurs-là qui entourent ton quotidien, ton univers, avec la peinture et le support, ou est-ce que tu finis par traduire ces couleurs-là à l'atelier? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait directement à la vue des éléments? En fait, je pense que si j'étais allée en Italie, c'est ce que j'aurais fait. Parce que j'avais mon petit kit d'aquarelle, j'aurais eu quelques feuilles de papier, puis je rétablis les couleurs. Mais finalement, ici, ça s'est pas passé comme ça. Je reviens à la maison. Des fois, ça peut être un morceau d'objet, un fragment que je prenais en photo et puis que je récupérais à la maison, dans mon atelier. Mais d'autres fois, c'était à partir de photos. Mais je te dirais, parce que là, je les ai à côté de moi, je les regarde, ce sont tous des petits éléments. Alors, je les ai tous rapportés à la maison. Ça peut être des feuilles de maïs, ça peut être un objet que j'ai trouvé dans l'atelier, mais c'est des choses qui m'interpellent, soit parce que où je les ai trouvées, c'était, il y avait comme une ambiance qui se créait avec l'objet, la couleur, les contrastes, tout ça, ou parce que l'objet, tout à coup, m'intéressait. C'est pourquoi un objet nous intéresse plus qu'un autre, les choses qu'on découvre, ça parle aussi d'émotion, ça parle aussi d'intériorité. Mais c'est aussi pour ça qu'une fois que j'ai réalisé ce premier nuancier-là des 15 couleurs, je l'ai produit en double. Je l'ai fait deux fois. Chaque couleur avait son double, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, j'avais 15 couleurs initiales et puis j'en ai fait un nuancier à l'aquarelle et je l'ai répété. J'ai eu deux nuanciers. Et ce deuxième nuancier-là, qui est identique, les mêmes couleurs, je les ai envoyés en Italie. Je les ai fait parvenir chez Radar. Et il y a une différence, si j'ai bien compris, entre les aquarelles que tu conserves à l'atelier, Michel Lorrain, et celles que tu envoies en Italie. Celles que tu envoies en Italie sont muettes et celles que tu gardes à l'atelier ont certaines informations, certains éléments de compréhension qui les accompagnent. Oui, en fait, moi, j'ai dessiné l'objet que j'ai trouvé et ensuite j'ai fait le nuancier. Alors, ça constitue un dictée. J'ai la planche de couleur et à côté, j'ai l'objet qui correspond en partie à cette couleur-là. Et c'est des informations que les participantes en Italie n'auront pas? Bien, ils n'auront pas nécessairement. De toute façon, ce que je demande aux gens là-bas en Italie, c'est un peu l'inverse, parce qu'ils vont partir eux autres de la couleur pour arriver à un objet. Et le nuancier qui sera réalisé en Italie, je l'appelle le nuancier du paysage immatériel. Parce que il va faire référence davantage au souvenir, à la mémoire. Et ce que je vais demander aux participants, c'est de, à partir de la couleur, de décrire, de résumer, de dessiner, de peindre, même d'enregistrer, s'ils préfèrent raconter de vive voix, ce que cette couleur-là leur évoque. Donc, à la fin, il va y avoir deux séries de dictées à partir des mêmes 15 couleurs. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir échanger et se partager ces deux nuanciers-là de part et d'autre à partir de la chambre blanche et de Radar au mois de décembre. Donc, les instructions pour les participants, les participantes en Italie sont assez ouvertes, sont assez libres. Il n'y a pas de médium imposé. Donc, on les laisse créer à partir de ce que la couleur leur évoque au niveau des souvenirs, des émotions, d'éléments comme ça qui sont plus du domaine de l'intériorité. Absolument. Je ne voulais pas donner de contraintes. J'ai envoyé les 15 couleurs. J'ai envoyé 15 supports, feuilles de papier correspondant aux 15 couleurs. Mais en même temps, j'ai dit si les gens, peut-être des gens n'en avaient pas ou auraient été embêtés d'en trouver. Mais en même temps, si les personnes, les participantes n'ont pas envie d'utiliser ces supports-là, le support peut être plus grand, il peut être d'une autre couleur, il peut être. C'est vraiment très, très, très libre parce que je pense que c'est dans toutes ces différences-là aussi que le projet va s'enrichir. Moi, de ce côté-ci, j'ai décidé de travailler toujours sur le même support, mais en même temps, mes planches d'aquarelle, mes planches de nuanciers sont sur un papier aquarelle. Mes dessins d'objets sont sur du lupo. C'est un papier plus glacé où l'aquarelle glisse là, dessus et qui reste plus en surface. Puis à partir de ce projet-là, j'ai aussi réalisé trois grands dessins que je vais présenter en même temps à la Chambre blanche. Puis que je vais communiquer aussi aux partisans, où j'ai réuni là plusieurs éléments, plusieurs objets sur une même surface, avec en fabriquant des petits nuanciers au bas de cette même grande surface. C'est difficile à imaginer comme ça, là, mais en fait, je suis en train aussi de réaliser une vidéo pour rendre compte aussi des objets en marchant, des choses que je vois, des accents que je vais mettre sur les différents lieux, pour témoigner un peu de cette résidence-là, puis cette espèce de confinement-là aussi. C'est intéressant parce que avec ce nuancier d'aquarelle, Michel Lorrain, sur lequel tu travailles, il y a une décontextualisation des éléments que tu retrouves dans le paysage autour de toi, et cette vidéo sur laquelle tu travailles va venir ramener un certain contexte, pas nécessairement explicite ou concret, mais va venir entourer, si on veut, cet ensemble-là qui peut sembler disparate au premier abord. Oui, absolument. Il va y avoir quelque chose de plus... Il va y avoir le rythme, déjà. Même si dans la façon de disposer mes diptyques et les aquarelles, je crée un rythme sur le mur, mais il va aussi être question de rythme dans cette vidéo-là aussi. Je ne veux pas parler d'énumération, j'espère qu'il va y avoir quelque chose de plus qu'une énumération, mais une espèce de sentir le coup, justement, du déplacement sur le territoire. En fait, je veux rendre l'idée du territoire. Et de la marche? Oui, c'est ça. Et du temps investi dans le territoire. Donc, La vidéo et le temps, évidemment, c'est intimement lié, d'offrir au spectateur de faire l'expérience de ce temps investi dans le territoire. Oui. Mais en même temps, ça va être très, très simple. Ça va être quelque chose de très simple. Mais je pense que ça vient aussi donner une autre dimension au travail de résidence et au fait de rester aux alentours de mon atelier. J'investis tous les alentours. Bon, moi, j'habite pas en ville, j'habite dans un petit village. Alors, je sors de chez moi, puis je vais marcher dans le bois, je vais marcher dans la forêt. Et puis, je découvre encore, même si ça fait longtemps que je suis ici, je découvre encore cette année des nouveaux sentiers. Alors, c'est rendre compte de ça aussi, de cette démarche-là qui est, en fait, au départ, aux antipodes de ce qui devait être. Que moi, je me déplace en Italie. J'avais l'impression d'aller chercher que l'Italie allait me donner beaucoup de choses parce que j'allais investir un nouveau territoire. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train d'offrir quelque chose aux gens là-bas de l'Italie et eux autres vont me rendre quelque chose aussi. C'est une autre forme d'échange, finalement. Et donc là, de manière concrète, là, où est-ce qu'on en est dans ce processus-là? Les aquarelles sont rendues en Italie? Elles sont entre les mains des participants, des participantes? Aujourd'hui même ça a été un peu compliqué avec les douanes, mais aujourd'hui même, le coordonnateur de Radar a reçu les aquarelles. Donc, il va les distribuer aux participants. Il va probablement trouver 15 participants. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il peut trouver 15 participants et que chacun choisisse une couleur et réalise son projet ou sa définition de ce qu'est cette couleur ou de ce qu'elle évoque pour cette personne-là. Il y a quelque chose de très excitant aussi d'être dans l'attente des résultats, là. Et moi, je trouve que c'est riche. Moi, je trouve que c'est comme j'écrivais dans le texte que je lui ai envoyé pour présenter un peu le projet aux participants. C'est le lien qui me lie à l'Italie. C'est ce lien-là, c'est le fil tendu. Les aquarelles, c'est le fil tendu aux gens là-bas, puis à mon expérience de l'Italie. Alors, c'est oui. Puis moi, j'ai très hâte à pouvoir voir probablement en Zoom le travail partagé. La finalité du projet, ça va être dans le travail partagé. Oui, et dans le partage imaginé aussi, le partage des imaginaires. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Michèle Lorrain, de t'être entretenue avec nous à propos de ce projet « Les couleurs de mon pays ». C'est une résidence de création qui se passe donc à la Chambre Blanche et à Radar en Italie. Et on va avoir le bonheur d'avoir une présentation le 18 décembre en toute fin de résidence. Donc, ça va se passer sur la plateforme Zoom à 13h. Donc, on s'y donne rendez-vous et je te souhaite une belle fin de journée. Je te remercie beaucoup. Alors, nous venons d'entendre une entrevue avec l'artiste Michèle Lorrain à propos de sa résidence croisée entre la Chambre Blanche et Radar. Et nous allons nous laisser avec la pièce éponyme de l'album éponyme Super Plage. Et ensuite, c'est la pause publicitaire. Et au retour, c'est notre chroniqueur Mathieu Bouchard qui s'entretient avec Charles-Étienne Brochu. CKRL 89.1. J'ai vu l'éternel prendre ses hanches comme un vase précis. J'ai vu la danse tendre vos jambes, vous quittiez la terre à deux. J'ai entendu ta voix se fondre sous la voix du cœur qui parfois dans le cœur va se défendre. Mais dis-moi de qui d'autre que toi. Retrouvez Clopelgag en diffusion sur CKRL. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux. Ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Voici le moment de renouveler votre carte de membre ou de poser un geste sensible pour votre radio favorite. Devenez membre de CKRL pour 25$ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. Une nouveauté cette année, CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201, ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Choisir ericlamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 418-454-1019 ou à ericlamirande.ca. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Vous êtes de retour à l'aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, on enchaîne tout de suite avec une chronique de Mathieu Bouchard qui s'est entretenu avec l'artiste illustrateur Charles-Étienne Brochu. Et on poursuit avec une pause audio avec la piste Aéroport de l'artiste Superplage. Bonjour, on est aujourd'hui au LAC, l'atelier de l'ancienne caserne à Québec, pour parler de la seule œuvre rescapée des Passages insolites édition 2020. Je suis avec Charles-Étienne Brochu aujourd'hui pour parler de son œuvre qui est au sommet de la montagne. Bonjour Charles. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien toi. Donc ton œuvre, c'est la seule qui a pu être présentée cette année à Passages insolites. C'est une œuvre qui est directement en avant du Parlement du Québec, qui est en fait un grand château de cartes avec des illustrations dessus. Tu es illustrateur puis aussi artiste. C'est une des œuvres, je pense, la plus grande que tu as faite. C'était-tu un défi pour toi de travailler dans ces formats-là? Oui, c'est un gros défi. Puis surtout, en fait, comme tu dis, non seulement c'est l'œuvre de plus grand format que j'ai faite, moi, je suis habitué de travailler en travail numérique. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de taille à mes affaires. Je suis juste derrière un ordi, puis ça sort juste à toute fin en impression. Pour la taille. Fait que j'ai jamais un rapport à l'espace. En fait, moi, je travaille jamais en sculpture, je travaille juste en deux dimensions. Puis en fait, je dirais que c'est un peu de là aussi que l'idée est venue de faire ce projet-là pour Passage Insolite, parce que je me cherchais finalement une idée, puisque Passage Insolite, c'est un beau... C'est génial, en fait, comme festival, si on veut. Il y a des œuvres d'art qui commencent à popper un peu partout à l'été à Québec. Fait que je voulais participer à ça depuis un certain nombre d'années. Mais j'avais juste pas la bonne idée pour proposer mon travail, parce que je trouvais ça quand même important que ce soit un travail sculptural dans un projet comme Passage Insolite. Puis justement, ma réflexion a commencé en me disant, c'est quoi mes forces? Mes forces, c'est le dessin. Donc, quelle sculpture je pourrais faire en mettant en valeur ce dans quoi je suis bon, ce dans quoi je suis efficace, le dessin. Puis progressivement, je me suis dit, quelque chose que je pense que je pourrais être capable de faire comme structure, c'est un château de cartes, parce que je suis capable de le faire en tout petit. Donc, techniquement, j'ai juste à agrandir énormément l'échelle, puis faire mes dessins par-dessus, puis ça devrait être une sculpture qui va être intéressante visuellement, ce qui n'est pas nécessairement ma force de faire des sculptures intéressantes visuellement, mais tout en ayant une composante dessinée qui, à mon avis, va... finalement, ça, c'est là qu'il va avoir peut-être un intérêt supplémentaire, vu que c'est ma pratique en général. Fait que pour toi, c'était seulement une question d'échelle. Tu l'as fait en petit, tu as pu jouer avec tes cartes, tu as pu jouer un peu sculpturalement, puis bam, tu l'as juste grandi. Exactement. C'est tout? Ouais, en fait... C'est pas mal tout. En fait, c'est un processus qui s'est passé sur deux médiums, d'une certaine manière. Donc, au début, moi, je travaille beaucoup en modélisation 3D. Mm-hmm. Ça aide beaucoup à conceptualiser. Donc, j'ai commencé en faisant une espèce de petite maquette de château de cartes en trois dimensions. Puis après ça, une fois que j'ai compris que mon projet fonctionnerait, donc je me faisais une espèce d'environnement dans mon logiciel de modélisation 3D de ville, etc., pour voir un peu l'échelle des gens à côté, ça ressemblerait à quoi. Puis une fois que j'ai compris que ça marchait, bien là, j'ai découpé des petites cartes à l'échelle très, très réduite. Puis là, je faisais mon petit château de cartes sur mon atelier. Puis effectivement, c'est vraiment juste une question d'échelle. Je faisais mes dessins, je checkais quelle forme de château est la meilleure, quelle chose est la meilleure. Donc, c'est vraiment juste la chose la plus simple que je pouvais faire, parce que, justement, c'est une première tentative. Puis c'est inimaginable de savoir ce que ça va avoir l'air, un dessin qui fait 4 pieds par 6 pieds. Moi, j'ai aucun rapport avec l'échelle dans mon travail. Mm. Je vais imprimer des prints de 11 pouces, des prints de peut-être 4 pieds maximum, gros maximum. Mais là, chaque carte est 4 pieds par 6 pieds, puis il y en a 13. Donc là, c'est énorme. Là. J'ai aucune idée de ce à quoi ça va avoir l'air. Puis je dirais même, tant et aussi longtemps que je ne l'avais pas monté, à la toute fin du processus, je ne savais même pas si le projet allait être intéressant visuellement, parce que c'est très difficile de savoir. Puis même, j'ajouterais à ça, là, je parle de toutes sortes de choses, mais moi, j'ai monté quand j'ai commencé à faire le projet, j'ai fait dans les ateliers de Le Poisson, qui est un atelier de métal qui est très confortable, mais qui n'est pas un atelier si grand que ça. C'est un atelier assez grand pour le travail que je faisais. Et donc, quand je montais ma sculpture, je faisais l'œuvre, je me disais, ça va être gros, ça va être génial. J'étais vraiment content de l'échelle. Puis quand je suis arrivé devant le Parlement, c'est immense. Ouais. La place devant le Parlement, c'est gigantesque. Et quand j'ai mis mes mesures au sol, je pensais que j'avais une erreur. Je me disais, c'est donc bien petit, c'est absurde. Je pensais que ça allait être gigantesque. Puis là, une fois qu'il a été monté, une fois que le deuxième étage a été monté, là, je me suis dit, c'est une bonne échelle quand même. Mais le rapport à l'échelle, c'est super complexe. Je pense qu'un sculpteur qui a plusieurs années de pratique finit par avoir une intuition de ce que c'est. Mais pour l'artiste numérique que je suis, c'est impossible pour moi d'imaginer ce que le rapport au corps que ça fait. Mais aussi le contraste par rapport à la solidité de ce Parlement-là, qui est un bâtiment qui passe à travers les époques, qui est monumental, puis à côté de la fragilité de ton château de cartes qui pourrait tomber avec un gros coup de vent. Dieu sait en plus qu'il y en a en haut de la colline parlementaire. Ben, il tombera pas. Il est bien beauté, mais... Mais est-ce que c'était une métaphore que tu voulais amener? Absolument. En fait, tu l'as très bien résumé. Puis justement, tu sais, je trouve que d'une certaine manière, ma surprise quant à l'échelle, ça a quand même été quelque chose que j'ai trouvé qui fonctionnait très bien avec le concept de l'œuvre. Parce que si je retourne un peu finalement à quand j'ai conceptualisé ce projet-là, moi, ce que je me disais, c'est ce que je veux que les gens voient en premier, c'est un château de cartes géant. Donc, il y a un côté très ludique, un côté très agréable. Je savais que je voulais mettre des couleurs très vives. Puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce château de cartes-là, on se rend compte que, premièrement, le château de cartes, il est en train de tomber, en fait. Donc, ça n'a pas l'air d'être si joyeux que ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Et au-delà de ça, on se rend compte que les dessins qui ont l'air joyeux sur les facettes des cartes, en fait, sont pas tout le temps si joyeux que ça. Donc, il y a des cartes qui montrent effectivement des valeurs très positives. Il y a des cartes qui montrent des scènes un peu plus critiques ou au point de rupture, de consumérisme, des choses comme ça. Donc, il y a un double discours qui commence à apparaître quand on regarde le château d'un peu plus proche. Puis ce double discours-là, bien, je trouve qu'il est vraiment mis en valeur justement par les deux architectures qui sont l'une en face de l'autre. Donc, d'un côté, comme tu l'as si bien dit, il y a l'immense Assemblée nationale qui est monolithique, qui est l'institution parmi toutes les institutions. S'il y a bien quelque chose qu'on se dit qui ne tombera pas, c'est ce bâtiment-là. Et en avant, ben, tu as quelque chose qui fait référence à une architecture qui est très fragile. Donc, mon château de cartes ne tombera pas. Mais cela dit, un château de cartes, en général, ben, c'est pas très solide, effectivement. Puis il a l'air un peu chambranlant. Donc, le contraste entre ces deux architectures-là, je trouvais vraiment que c'était très intéressant. Puis justement, le fait qu'il ait l'air un peu petit, puis il ait l'air un peu plus délicat, en fait, je trouve que ça abonde dans le sens de ce que je voulais que l'autre dise. Ben, l'ambivalence, c'est quelque chose qui est dans ton travail, ouais. Qui est omniprésent. Puis on le voit vraiment dans ton travail, mais puis ça m'a étonné de voir à quel point, en fait, dans ton travail des couleurs, tu as voulu travailler beaucoup les couleurs vives dans ce travail-là, mais dans un paquet de cartes standard, il y a le noir et il y a le rouge, ouais. qui est aussi quelque chose qui est très ambivalent, mais là, tu es allé vraiment seulement avec des cartes rouges. Puis ça m'a questionné. Mais c'est un bon point. En fait, moi, quand j'ai commencé mon projet, donc j'ai conceptualisé le projet en décembre 2019, et puis ce qui est drôle, puis tu soulèves un bon point, moi ce que j'avais proposé, c'était initialement d'utiliser des couleurs qui référaient seulement au château de cartes, donc seulement du rouge, seulement du noir, en me disant, ben tiens, je vais garder l'esthétique vraiment du château de cartes, puis ça va être quelque chose qui va être peut-être un petit peu plus critique, un petit peu plus cinglant. Sauf que là, le projet a passé auprès d'Exmuro, parfait, on avance. Mais après ça, il y a eu la pandémie, le coronavirus qui est arrivé. Puis là, on s'est dit, il n'y aura pas de projet. Là, ça annule. Puis après ça, ben là, on voyait la situation mondiale qui était déprimante, qui était démoralisante. Puis quand Vincent, le directeur d'Exmuro, est arrivé, puis il m'a dit, hey, on pourrait faire ton œuvre finalement, j'ai eu une envie d'être un peu plus optimiste, en fait. Parce que je trouvais que à ce moment-là, on parle d'à peu près mai 2020, j'avais aucune envie de faire une œuvre cinglante, aucune envie de faire une œuvre qui parle de changement climatique catastrophique ou qui parle d'une politique qui ne fonctionne pas. J'avais envie de, oui, montrer qu'il y a une fragilité, mais en même temps, montrer que cette fragilité-là, elle peut être peut-être inquiétante, mais elle peut être très poétique, elle peut être très belle, elle peut être donner envie de montrer quelque chose de précieux dans cette fragilité-là. Puis c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais mettre des couleurs un peu parce que je veux quand même mettre en valeur un côté un petit peu plus optimiste par le contexte. Je n'avais pas envie moi-même de faire quelque chose de trop trash, de faire quelque chose de vraiment comme cinglant. J'avais envie d'être un petit peu plus optimiste parce que, tu sais, l'art, ça reste quand même quelque chose qui est très personnel. Puis ben, j'en ai parlé avec Vincent justement pour voir si il trouvait que c'était, qu'il m'accordait cette petite liberté-là dans ma création. Puis il n'y avait pas de problème, donc je me suis dit, ben, je vais faire ce que j'ai envie de faire pour être un petit peu plus en ligne avec mes sentiments du moment. Ben, je pense que ça transparaît vraiment beaucoup l'optimisme dans ton œuvre. C'est une œuvre qui donne, selon moi, espoir dans la parole citoyenne, dans la présence des réseaux sociaux qui est très, très important dans ton œuvre, qui est aussi quelque chose de très ambivalent, qui a une nouvelle place dans le pouvoir politique maintenant. Qu'est-ce que tu voulais parler de ça? Oui, ben en fait, il y a 9 cartes qui ont des dessins sur le château. Il y en a certaines qui sont seulement rouges, qui sont des cartes de plus de structure, donc les étages. Et puis, il y a 9 cartes qui ont des dessins. Puis sur chacun des dessins, en fait, je me suis donné une thématique générale qui, je trouvais, fonctionnait premièrement avec le thème général de la fragilité puis de la démocratie. Évidemment, en mettant une œuvre en avant de l'Assemblée nationale, c'est inévitable pour moi que cette œuvre-là a une référence avec la démocratie, avec la parole citoyenne. L'espace est trop symbolique pour qu'on passe à côté de cette lecture-là. Donc, je me suis dit, ben, parfait, j'en profite. Moi, de toute façon, les thématiques sociales, je trouve ça extrêmement motivant. Je suis très inspiré par ce genre de choses-là. Fait que je me suis dit, parfait, allons là-dedans. Donc, il y avait vraiment la thématique de fragilité, la thématique de l'équilibre, puis la thématique de la démocratie que je gardais en tête quand je travaillais chacune des métaphores des cartes. Et puis, effectivement, donc, il y en a une parmi celles-là qui représente un genre de valet ou un endroit, dépendamment, qui regarde son cellulaire, puis le cellulaire semble se faire montrer soit un arc-en-ciel ou soit des éclairs où le cellulaire semble être en train d'exploser un peu. Et tout ça dans une espèce d'esthétique qui rappelle justement la symétrie des jeux de cartes. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant en utilisant cette symétrie-là, mais en la détournant un peu, en montrant que les choses ne sont pas tout à fait symétriques. Puis bien évidemment, maintenant, nos rapports à la démocratie, nos rapports à la société passent beaucoup par les réseaux sociaux. Puis on le sait, les réseaux sociaux, bien, ça va avoir tendance à polariser d'une certaine manière. En ce moment, on est le lendemain de l'élection aux États-Unis, oui. Puis on se rend compte à quel point cette polarisation-là, qui est entre autres, pas nécessairement mon avis, mais ce qui semble être le consensus, dû aux bulles des réseaux sociaux d'une certaine manière. Donc, je voulais simplement montrer cette métaphore-là, tu sais, puis montrer que d'une certaine manière, ben, tu sais, tout ça, c'est quelque chose qui me travaille, tu sais, parce que moi-même, en fait, puis c'est ce que j'essaie toujours de faire dans mon travail, il y a une ambivalence, puis c'est une ambivalence qui m'habite moi-même, parce que c'est facile de dire, ah, les réseaux sociaux nous polarisent, c'est facile de dire les réseaux sociaux sont un problème. En même temps, je suis le premier à utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est probablement des raisons pourquoi j'ai une carrière maintenant, parce que ça me permet de rejoindre des gens, ça me permet de parler à des gens qui sont du même avis que moi, qui aiment les arts visuels, qui vont peut-être me commander des prints, qui vont peut-être me commander des choses. Donc, sans les réseaux sociaux, j'aurais beaucoup de difficultés à avoir une carrière. Donc, il y a quelque chose de très positif de ça. Puis en même temps, quand on regarde le revers de la médaille, bien, c'est terrible ce que ça fait. Tu peux avoir de l'intimidation à l'école, tu peux avoir toutes sortes d'affaires, du doxing, toutes sortes de problématiques, une polarisation, de la violence, etc. Mais il n'y a pas une solution qui est claire, en fait. C'est ça qui est un peu complexe, c'est qu'on ne veut pas complètement changer tout, parce qu'il y a quelque chose de très, encourageant dans une volonté de dire tout le monde ensemble, on va se parler sans filtre, on va juste avoir une espèce de grand forum commun où est-ce qu'on peut parler, où est-ce qu'on peut s'échanger, puis parler de toutes sortes de choses. Puis en même temps, on voit que parallèlement à ça, il faut que ces compagnies-là fassent de l'argent, puis ça devient complètement pervers. Puis l'idéal du droit de parole, puis de la liberté d'expression est complètement d'autre chose. Fait que c'est compliqué, c'est des grosses questions complexes. Fait que j'essayais de montrer que c'est une métaphore qui parle un peu de ces médias sociaux-là qui ont une importance vraiment démesurée. Sans nécessairement comme. Tu sais, j'ai pas de solution, dans le fond. Mais comme tout le monde, je regarde ça avec une dose d'inquiétude relativement élevée. Mais je trouve qu'en général, ton œuvre est un miroir assez juste de la société puis de la prise de parole qu'on peut avoir dans la vie politique aujourd'hui. Oui. Je me demandais si c'est quelque chose que c'était la première fois que tu abordais dans ton travail ou si, en fait, tu sais, il y a toujours un peu un propos sociétal dans ton travail, mais est-ce que c'était la première fois que tu parlais de la politique directement? Ouais, ben c'est un sujet quand même complexe, parler de politique pour moi, parce que je sais pas comment que, tu sais, quand les gens se positionnent en général par rapport à ça, mais tu sais, moi, je trouve ça quand même un exercice. Je trouve ça génial, en fait, qu'il y ait le système politique, puis l'idée du système politique, puis la façon que les choses sont faites. Il y a des problèmes, évidemment, dans ce système-là, on le voit bien. Il y a des favoritismes, genre, toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas. Mais l'idée derrière tout ça, honnêtement, j'aurais de la misère à en trouver une qui est vraiment. C'est un bel idéal de dire qu'il y a une démocratie au cœur du peuple. Puis on essaye d'élire des gens qui nous représentent, etc. C'est vraiment un bel idéal. Puis, comment je répondrai à la question? Ce que je dirais, c'est quand je suis toujours intéressé par les questions sociales. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez engagé socialement. Puis j'ai toutes sortes de militer pour ce qui me. Ou en fait, de faire des choix dans ma vie quotidienne qui sont en accord avec ce que je pense politiquement. Mais je trouve ça toujours un peu complexe de... Tu sais, moi, je suis pas là pour faire la morale. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que je suis pas là pour faire la morale aux gens. D'une certaine manière, en tant qu'artiste, je me sentirais pas capable de dire, par exemple, mon opinion, c'est celle-là, puis je pense que j'ai raison, puis je pense que vous devriez vous rendre compte que j'ai raison. Comme, par exemple, critiquer le consumérisme unilatéralement, puis dire, je pense que ça n'a pas de bon sens qu'on consomme, puis vous devriez faire quelque chose, puis regarder donc comment que moi, je suis meilleur que vous autres, etc., etc. Fait que quand je parle de politique dans mon travail, ce que j'essaie toujours de faire, c'est premièrement, de me regarder puis voir comment moi je travaille. D'une certaine manière, tu sais, il y a une carte dans mon dans mon château de cartes, qui, justement, c'est un espèce de roi au-dessus de sa montagne de déchets. Puis on peut lire cette carte-là comme une critique du consumérisme, parce que c'est quelqu'un qui semble avoir monté tous les échelons de la société en escaladant essentiellement sur une montagne de déchets, un peu comme ce qu'on fait en achetant toutes sortes d'affaires qu'on n'a pas besoin pour consommer, puis encourager un système. Puis d'une certaine manière, c'est une critique, cette carte-là, de ce système-là. Puis d'une autre manière, ben, tu sais, moi-même, il faut que je consomme pour créer. Tu sais, si je faisais juste penser, tu sais, créer une œuvre d'art, je consomme en ce moment. Tu sais, je suis en train de faire quelque chose qui, oui, j'espère, met quelque chose de positif dans les gens qui s'en vont voir ça, puis ça met, bon, c'est mon plan santé mentale, on peut faire un, tu sais, encourager l'économie locale, toutes sortes de choses comme ça, mais à la base, je consomme encore, puis est-ce que c'est nécessaire? Je me questionne beaucoup moi-même par rapport à ce que je fais, puis les choix que je fais, puis qu'est-ce que ça implique? Tu sais, comme par exemple, j'ai un ordinateur, j'avais souvent sur un ordinateur, mais tu sais, un ordinateur, moi, j'ai besoin qu'il soit à jour, donc j'ai besoin de consommer encore, puis d'encourager toutes sortes d'affaires que je suis vraiment pas d'accord avec, mais en même temps, j'ai comme pas le choix pour continuer à vivre et créer des choses. Donc, il y a une espèce de balance, puis je trouve ça toujours un peu ambigu de moi-même. En fait, je trouve que c'est complexe d'avancer puis faire des choix qui sont bons pour l'environnement, qui sont le plus socialement responsables possible, tout en avançant, puis en continuant de faire de l'art, puis en continuant... Donc, il y a, c'est très complexe comme question, là. Mais en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, en général, c'est des enjeux qui sont très importants que tu abordes, mais qui sont amenés avec un univers aussi du jeu, qui sont amenés avec beaucoup de plaisir. Ouais. Puis on voit que tu ne prends pas nécessairement au sérieux, mais que tu amènes des questionnements plus que des réponses. Ouais. Puis il y a tout cet univers de jeu-là qui, en général, je pense, dans ton travail, est assez présent. Le côté ludique, il y a aussi un peu le côté... représentation isométrique un peu à la SimCity ou dans ce il y a le jeu de cartes dans cette œuvre-là, il y a aussi le roi de la montagne, il y a tous ces parallèles-là avec les jeux, ouais. L'univers du jeu, qu'est-ce qui t'amène à parler toujours de ça? Donc ce que je dirais en fait par rapport à l'idée du jeu dans mon travail, c'est qu'effectivement je me sers souvent de quelque chose de ludique pour parler de quelque chose de plus sérieux, parce que moi ce que j'ai toujours trouvé qui était d'une certaine manière intéressant quand on avait un discours plus sérieux, c'est de montrer ce discours un petit peu plus sérieux-là avec un angle qui n'est pas un angle moralisateur. Encore une fois, je reviens à ça, mais en montrant finalement que, tu sais, je ne suis pas en train de donner la morale ou de faire quelque chose. Moi, je suis en train de faire une œuvre d'art, de parler de poésie, de parler de toutes sortes de choses. Puis, je me sers de toutes sortes d'artifices, si on veut, pour parler de quelque chose de grave, mais tout en l'amenant d'une manière qui, à mon avis, et pas repoussante. Donc, c'est pour ça. Puis, d'une certaine manière, il y a comme une espèce de piège, si on veut, dans mon travail. Parce que souvent, je vais utiliser des couleurs qui sont volontairement très, très joyeuses, très, très ludiques, qui vont attirer l'œil. Puis, c'est du moment que l'œil est attiré, finalement, c'est là qu'on se rend compte que, finalement, c'est plus compliqué qu'on pensait. Puis, je trouve que pourquoi j'utilise souvent ce mode de fonctionnement-là pour faire mon travail, qui est justement un peu subversif, si on veut, c'est que je trouve la vie, c'est un peu comme ça, d'une certaine manière. Quand on regarde quelque chose... Il y a quelque chose de très beau, tu sais, on peut regarder en fait toutes sortes de choses d'une façon très superficielle et se dire « Ah, ben, il y a quelque chose de très positif là-dedans. » Puis quand on regarde un petit peu plus attentivement, on se rend compte qu'il y a un envers de la médaille à la chose. Puis inversement, si on regarde quelque chose de très négatif, en fait, on se rend compte souvent « Mais il y a peut-être une raison à ça, il y a peut-être quelque chose de positif à ça. » Puis justement, on revient un peu à l'idée des réseaux sociaux, c'est quand on polarise, d'une certaine manière, c'est qu'on efface les nuances des choses. Puis moi, ce que je trouve justement qui est intéressant, c'est quand les choses sont nuancées, puis d'une certaine manière, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre ces nuances extrêmes-là dans mon travail. Donc, d'un côté, c'est très beau, c'est très ludique, c'est très vif, puis de l'autre côté, c'est très sérieux, c'est très sarcastique, puis c'est la rencontre entre ces deux choses-là qui fait une nuance qui est très, d'une certaine manière... c'est noir et c'est blanc dans mon travail. Mais ensemble, ça fait une espèce de gris un peu étrange avec un morceau un peu bruyant. Mais c'est ça, il y a une espèce d'aspect dans mon travail que j'aime beaucoup jouer avec ça. Pour ça, évidemment, l'idée du jeu, ben, je pense que honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi j'aime ça, les affaires isométriques, je ne sais pas trop pourquoi j'aime ça, les références aux jeux vidéo. Pas tant un gamer, mais il y a quelque chose de... Je sais pas, je pense à mon enfance peut-être. J'ai effectivement grandi en jouant à SimCity. Puis j'aimais ça, c'était comme vraiment le fun de travailler, faire des petits bâtiments, des choses comme ça. Ben merci, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, puis ça a été vraiment le fun, merci beaucoup. Ouais, pas trop. vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Donc, c'est déjà le moment de l'agenda de la semaine. Donc, depuis hier, le 17 novembre, c'était au tour de Patrick Desmaseaux de participer au projet Pour toujours mardi de Folie Culture, projet à propos duquel Gentilhomme s'est entretenu avec Vincent Hinz la semaine dernière. Le projet de Patrick Desmaseaux s'intitule « Écrire sur des œufs ». Donc, ses correspondances seront diffusées sur le site web de Folie Culture au cours des prochains jours. Et vendredi, il y a une nouvelle expo à la Galerie 3. C'est des travaux récents de BGL et Amélie Proulx qui vont être dévoilés. On a très, très hâte de voir cette nouvelle exposition avec des artistes qu'on apprécie beaucoup. Et vendredi, qu'est-ce qui se passe, Myriam? Oh, on est tellement contente d'avoir un bel agenda de la semaine cette semaine. Donc, vendredi, c'est la 7e foire en art actuel de Québec qui nous présente une édition entièrement virtuelle cette année. J'ai pris la décision qu'à partir de maintenant, on ne dirait plus COVID oblige parce qu'on est tous au courant de la situation mondiale. On sait pourquoi c'est virtuel. On n'en parle plus. C'est ça. Donc, le tout est lancé ce vendredi avec un lancement et une performance DJ dès 18h, donc en ligne, bien sûr. Et ça va être suivi le samedi d'une visite virtuelle dès 11h. Et ensuite, à 14h, ça va être une causerie virtuelle avec entre la commissaire Dominique Fontaine et les artistes Marie-Hélène Covin, Jérémy Saint-Pierre et Noël Wharton-Ayer. Et ce dimanche, le 22 novembre, tout l'après-midi, on vous accueille à la galerie Michel Guimond pour découvrir la nouvelle exposition de Jacques Sanson, donc un vernissage progressif tout l'après-midi. On nous suggère de prendre rendez-vous, mais il nous accueille, là, si la galerie n'est pas pleine, il nous accueille sans problème là, si on se pointe de manière spontanée. Et lundi prochain, on va découvrir les lauréats et lauréates du gala des prix d'excellence des arts et de la culture. Donc, en version évidemment toute virtuelle, ça prend la forme d'une espèce de road movie, qu'on nous dit. Et puis, c'est à partir de 17h sur la page Facebook du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Et on a des artistes très, très talentueux qui sont en liste cette année. Donc, on a très hâte de découvrir qui est-ce qui va remporter les palmes. Tout à fait. Bien, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, on vous invite à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, donc l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisqu'on y garde un agenda le plus à jour possible. Et là, cette semaine, l'agenda explose comparé aux derniers mois. On est très contents. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Et on aimerait remercier Michel Lorrain pour l'entrevue, notre chroniqueur de la semaine Mathieu Bouchard et son invité Charles-Étienne Brochu. On fait un beau salut bien spécial à notre Mondrian de la console qu'on a très, très hâte de retrouver en studio. Bonjour à Jacques Gignac. Et on se laisse pour une dernière séquence musicale tirée de l'album éponyme Super Plage. Et on se dit à la semaine prochaine, Myriam Leland. À la semaine prochaine, Gentilhomme en France. Disponible en balado-diffusion. Je suis un citoyen de la ville de Québec, mais je pouvais aussi vous dire que je suis un réfugié rohingya. En une journée, le Bangladesh a vu 50 000 réfugiés arriver sur son territoire. 50 000, c'est la quantité de réfugiés qu'on a eu au total en 2018 au Canada. À découvrir sur la Fabrique culturelle. L'intérêt de cette exposition aussi, on n'est pas dans un journal à lire des statistiques, à voir une ou deux photos. Non, on est avec les gens. La photo, j'ai toujours vu comme une façon de faire en sorte que ceux qui ne sont pas présents puissent se sentir présents. Errant sans retour pour les Rohingyas, vivre malgré tout. On retourne sur la démarche du photographe Renaud Philippe et un duo de réalisateurs, Olivier Higgins et Mélanie Carrier. Malgré les conditions horribles puis tout le passé que ces gens-là trimballent, ben l'enfant reste un enfant, même si c'est difficile, même si il porte du tragique. Ben à un moment donné, il va faire voler son cerf-volant puis il va jouer au soccer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Je pense que la force de cette exposition-là, ça a été ce désir de plusieurs artistes de s'associer pour dénoncer une situation qui nous paraît complètement injuste. Vous voulez vivre des émotions fortes? Découvrez le Festival de films Cinémania cette année, 100% accessible en ligne partout au Canada. Cinémania vous garantit des premières dans le confort de votre salon. Du dernier film de François Ozon à celui de Cédric Lapiche, avec des acteurs incontournables tels que Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg et une rétrospective inédite sur le cinéaste québécois Louis Bélanger. Cinémania vous offre le meilleur du cinéma francophone jusqu'au 22 novembre. Visitez festivalcinemania.com pour en profiter dès maintenant. À découvrir sur la Fabrique culturelle. On peut faire ci, on peut faire ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. Une session musicale de Caro Dupont qui chante One Two et Just Chilling. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. C'est KRL 89.1. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. C'est KRL